Mardi, à l'émission Dans le vestiaire sur les ondes de CKJ, Richard Martel a passé une heure et demie en compagnie de Michel Tifot et également Dominique Bolduc pour parler de l'avenir de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, on va vous passer au cours des prochaines minutes l'intégrale de l'émission Dans le vestiaire. Donc, on écoute le premier bloc avec Michel Tifot, également Dominique Bolduc et Richard Martel sur les ondes de CKJ Saguenay. Nous, en studio. Et du côté des Jeux Olympiques, la Russie est suspendue. Les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement, j'ai lu ça quelque part. The mental, le mental. Mental toughness, la dureté du mental. Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. Entrez dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Et 15h13, on attend après la pluie, on attend après la neige, on a un petit peu de vent parce qu'on avait un cocktail météo impressionnant ce matin là, d'annoncer. Absolument, et c'est toujours comme ça, on prévoit de la pluie verglaçante, de la pluie cette nuit, on va être vraiment au-dessus du point de congélation, plus 4, plus 1 degré, avant de revenir là, dans les moins à partir de la nuit de mercredi à jeudi. On va saluer notre invité, le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Dominique. On va prendre juste une petite minute pour informer les gens de ce qui s'est passé aujourd'hui. La grosse nouvelle de la journée, Dominique, c'est que la Russie est suspendue des Jeux olympiques d'hiver. On comprendra pourquoi, on s'en doute. Exactement. Donc, le Comité international olympique a tranché, suspendu le Comité olympique russe des Jeux olympiques de Pyeongchang qui aura lieu en février prochain. Certains athlètes russes qui seront tout de même autorisés à y prendre part s'ils sont jugés propres dans le cadre de contrôle antidopage à long terme pratiqués selon les normes internationales. Jusqu'ici, il y avait 25 athlètes russes qui avaient été disqualifiés des Jeux de Sochi et exclus à vie. Il y a même 11 médaillés qui ont perdu leur médaille. Et là, on s'est aperçu là, qu'il y avait tout un système du côté de la Russie là, de dopage. On s'est fait prendre. Et là, on doit payer pour les prochains Olympiques. Il y a deux matchs de hockey qui vont intéresser les amateurs ce soir. Le Canadien, qui va bien, il faut le dire, contre les Blues de Saint-Louis. Attention, là. Les Blues, c'est l'une des grosses équipes de la Ligue. 17 victoires, 8 défaites. Carey Price l'aura peut-être pas facile. J'ai bien hâte de voir comment va se comporter. Parce qu'il manque des joueurs, là. Lekkonen n'est toujours pas revenu. Drouin est sur la touche. Alors, il manque certains joueurs chez le Canadien de Montréal. Et pendant ce temps-là, au centre Georges Vézina, les Saguenayens vont accueillir le Drakkar de Bécomo. Est-ce que la troupe de Yannick Jean pourra se permettre une performance aussi impeccable que vendredi dernier? C'est un bon défi. Parce qu'ils ont été bons pas à peu près vendredi passé. C'est un bon défi. De 4 à 0. C'est un bon défi. On le dit depuis quelques jours maintenant, et je vous le dis tout de suite, vous allez pouvoir poser des questions au commissaire Richard Martel, mais pas tout de suite. Nous, on va faire le préambule. On a quelques questions, quelques interrogations au commissaire Richard Martel, et vous pourrez par la suite, aux alentours de 4h moins 10, moins 5, communiquez avec nous au 546-2527 pour poser des questions au commissaire Richard Martel. Richard, le travail de commissaire, est-ce que tu t'attendais à ça comme commissaire, comme le grand boss de cette ligue-là? Bien sûr, je m'attendais à ça. C'est beaucoup d'ouvrages, c'est certain. C'est complètement différent que le coaching. Tu sais, c'est un petit peu je te dirais, il y a encore du coaching dans ça, mais il faut s'organiser, il faut aussi superviser, en fait, tout ce qui se passe dans la Ligue nord-américaine de hockey, que ce soit du côté des suspensions. Il faut être à l'affût de tout, hein, du côté des concessions, comment ça va, côté budgétaire, transactions. Alors, puis aussi, essayer de s'organiser pour créer une expansion possible. Alors, c'est tout ça, puis c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail très intéressant, puis c'est un très beau défi. L'expansion possible, il en a été question hier lors de votre réunion? Bien, on a discuté. C'est certain qu'on regarde aussi, avant de parler d'expansion, mais c'est une chose importante aussi à notre Ligue, l'expansion. Il faut s'assurer aussi que nos 6 concessions soient viables pour plusieurs années. Alors, il faut s'assurer de ça avant, parce que si on a de nouvelles concessions ou de l'expansion, puis qu'il y a des équipes qui ne sont pas capables de tenir le fort, il reste qu'on ne montrera pas le nombre de 6 clubs. Alors, c'est pas toujours facile dans ces circonstances-là. Il y a six formations dans le circuit Richard Martel. Il y en a une, il faut bien le dire. Il y a une formation qui tire de la patte. On a tout tenté. On a, même vendredi dernier, on a essayé une promotion à 5 $. Ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait, qu'on souhaitait. On sent qu'il y a certaines baisses d'assistance dans la Ligue nord-américaine. Est-ce que ça inquiète le commissaire Richard Martel? Ben moi, je trouve que les assistances dans tout ça sont pas si mal parce qu'on faut connaître aussi le contexte économique. Hein. Il y a le contexte économique qu'on peut pas, on peut pas fermer les yeux sur ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités pour tout le monde. On le dit beaucoup. Les gens ils ont une enveloppe budgétaire pour les loisirs où ils peuvent décider à quel endroit ils vont aller. Puis du hockey, il y en a énormément. Alors, quand tu regardes ça, quand tu mets ça en contexte, c'est quand même pas si mal, les assistances. Puis, de toute façon, si on les regarde ça comme faux, c'est que à partir du début de la saison, il y a été les jeudis qui n'ont pas été forts au niveau des assistances, puis les samedis en début de saison, où la température était extraordinaire. Alors, nonobstant tout ça, si tu enlèves ces 10 matchs-là, parce qu'on a fait un petit travail de statistiques tout à l'heure, on revient comparativement aux mêmes assistances que l'an passé. Il ne faut jamais oublier aussi qu'on est à 36 matchs. L'an passé, on était à 42 matchs. Puis ensuite aussi, on a une formation de moins. On est 6 formations, donc on revoit plus souvent les clubs. Alors, ça joue dans tout ça, mais dans le nombre de spectateurs, honnêtement, faut pas virer fou. Puis une baisse, là, c'est parce que là on met comme le focus sur les spectateurs de la Ligue nord-américaine. On est parti là-dessus. Là. On n'a jamais parti là-dessus avant. Mais dans d'autres ligues, c'est parce qu'ils ont déjà eu le focus d'assistance, puis là, ils ont passé à autre chose. Mais c'est pas... Je te dirais que c'est pas le Klondike partout. C'est pas des extraordinaires dans toutes les ligues, les assistances. Là. Puis on commencera pas à nommer certaines ligues, mais on le sait très bien. Est-ce qu'il faudra enlever les matchs du jeudi? Ça semble pas lever le jeudi. On a eu des exemples à Sorel cette année, par exemple. Il y a eu 3 parties, puis on a à peine 700-800 spectateurs. Est-ce qu'on devrait se concentrer uniquement le samedi puis le vendredi soir? Vendredi, samedi, ce sont des bons soirs. On parle du dimanche, mais le dimanche, c'est une problématique parce que les joueurs aiment bien retrouver leur famille le dimanche. Hein. C'est pour ça qu'on concentre les deux matchs vendredi et samedi. Le jeudi, le problème qui est arrivé à Jonquière, c'est qu'ils sont butés aux Canadiens de Montréal. Alors, vu que la cédule, le calendrier a sorti tardivement, mais là, il n'y a pas eu le matchage avec les parties du Canadien de Montréal. Alors, c'est tombé plusieurs fois sur les jeudis que le Canadien jouait à la télé. Et vous savez qu'à Sorel, quand le Canadien joue, là, juste aux alentours de Montréal... C'est une religion. Quand le Canadien joue, c'est extrêmement difficile pour les villes de banlieue de Montréal. Le commissaire Richard Martel avait une grosse commande de tenter de percer les médias montréalais. Richard Martel a quand même réussi à tous les vendredis sur le réseau Cogeco. C'est quand même 36 stations au Québec. Richard a réussi à avoir une case horaire où on peut donner les résultats dans la Ligue nord-américaine à 11h le soir. La problématique des grands médias, que ce soit les journaux, télévision, radio, c'est que les matchs le vendredi soir sont tard. C'est 8h30 le soir, donc ça finit pas à 11h15, 11h30, parfois minuit. Et ça, c'est la problématique. Parce qu'on dit souvent, on n'est pas capable d'avoir la une des grands journaux le samedi ou la radio le vendredi soir. C'est que les matchs, il n'y aurait pas moyen... comme dans les autres ligues, de jouer à 7h30? Non, ça va être extrêmement difficile parce que nous avons des joueurs de l'extérieur. Donc, il faut leur donner le temps. Le vendredi, il y en a qui travaillent. Il faut leur donner le temps qu'ils se présentent à leur équipe respective. Exactement. Puis dans le temps aussi où les grands réseaux n'ont pas accepté d'embarquer la ligue, c'était un peu une question aussi que c'était pas tout à fait le hockey que les grands médias voulaient voir. Puis aussi, les matchs étaient présentés à 9h. Donc, à 9h, c'était impossible d'arriver à 11h15, à 11h10 pour présenter quoi que ce soit dans les bulletins sportifs. On a quelques week-ends de fait. On est déjà presque au tiers de la saison de fait. Il y a plusieurs matchs qui ont été joués. Comment tu trouves le spectacle qui est présenté par les 6 équipes de la Ligue nord-américaine jusqu'ici? Moi, honnêtement, je trouve que le spectacle est très bon. Les qualités d'équipe sont encore meilleures que dans le passé. Il y a de nouveaux joueurs qui ont atteint cette ligue-là cette année. Puis, ça donne vraiment du hockey en levant. Il reste que, tu sais, il y en a souvent qui me reviennent avec les bagarreurs. Les bagarreurs, c'est que tu veux qu'on y fasse. Il n'y a pas eu de renouvellement sur ce côté-là. Tu sais, il faut à un moment donné, là, c'est pas une question. Tu sais, je ris un peu quand j'entends ça, mais tu sais, d'abord, Richard Martel est arrivé en poste cette année comme commissaire parce que la Ligue ne partait pas. Il y a des gens qui pensent que je suis là depuis 10 ans. Je ne sais pas si c'est parce que je m'appelle Richard Martel, mais au cours des dernières années, c'était pas moi le commissaire. Alors, puis quand j'ai accepté, d'abord, c'est moi qui l'ai proposé au propriétaire, la Ligue ne partait pas. Là. Si Trois-Rivières n'accepte pas avec le nouveau propriétaire qui est Étienne Boileau, s'il n'accepte pas d'embarquer, la Ligue ne part pas. Ça fait que c'est pas une question que je suis arrivé ici, puis on avait 13 équipes l'an passé, puis on en avait des assistances de 3000 personnes. Là. Oh. Moi, je suis arrivé dans un contexte où c'était... Il y avait un signal d'alarme aussi, parce que le commissaire avait été remercié, puis le directeur général aussi. Donc, une ligue, pas de commissaire. On pouvait pas penser que c'était pensable. Alors, à partir de là, moi, j'ai proposé quelque chose aux propriétaires qui ont accepté avec quand même la philosophie et les objectifs à court, moyen et long terme, qui ont accepté et on est parti comme ça. Alors, c'est un défi énorme parce qu'une ligue à six clubs, bien sûr, lorsqu'on sait très bien que cette équipe-là, il n'y a pas eu d'expansion. Il y a eu une équipe d'expansion au cours des 10 dernières années, vous savez ça, hein? Ça a été Valleyfield en 2012 ou 2013, je crois, qui est devenu Laval. Qui ont déménagé l'année même. L'année même, à partir de là, il n'y a pas eu d'expansion dans les 10 dernières années. Alors, les gens me parlent, il va-tu avoir d'expansion, il va-tu avoir d'expansion? Mais là, il y a des équipes qui tombent régulièrement au cours des années présentement. Et la situation, il reste que elle est quand même... Tu sais, elle est quand même, je te dirais pas, elle est pas dans les meilleurs. Alors, on sait très bien qu'il faut que ça passe par l'expansion. Pour passer de l'expansion, ben ça prend un certain temps aussi. On peut pas tout virer le lendemain. Puis aussi, je te dirais pas qu'il y a une nouvelle culture, mais les assistances de cette ligue-là, ils sont pas renouvelés à 100%. Hein. Et ça, ça a été un sujet dont on a jasé avec Pierre Nadeau du côté de Thetford Mines. Ouais. Lors du match de vendredi ici à CKJ, il nous disait la majorité des spectateurs qu'il y avait du côté de Thetford Mines, c'était les spectateurs du début des Coyotes il y a 22 ans. Ouais. Ces spectateurs-là, cette foule-là a vieilli. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont plus capables de se déplacer et elle n'a jamais été renouvelée. C'est parce que c'était une ligue où son crowd était un peu un sac fermé pour une certaine clientèle. Donc, au cours des 10 dernières années, même de ça que... Tu sais, avec les Marquis de Jonquière, même la dame qui était pendant plusieurs années, qui fait un travail encore, parce qu'elle travaille avec Claudine, qui fait un travail extraordinaire, dit quand même que c'est une clientèle, puis c'est des spectateurs de longue date. Exactement. Alors, la population est en vieillissement, puis le crowd s'est pas renouvelé avec ce genre de hockey-là. Il n'y aurait pas spécifique. Un travail à faire dans les écoles, Richard, de promotion ou de... Non, mais je pense que là, avant toute chose, là, c'est qu'il faut laisser un petit peu naturellement le changement de hockey qui tourne vers une qualité de hockey beaucoup meilleure au niveau de je te dirais, d'abord, en ayant moins d'hommes forts, il reste qu'il faut rentrer plus de joueurs de hockey. En rentrant plus de joueurs de hockey... Bien, la game s'améliore énormément. J'ai parlé aux arbitres en début d'année, puis ils m'ont dit, dès le début de saison, le jeu était de la même vitesse que dans les séries éliminatoires l'an passé. Et on alors, sait que ça déjà, ouais, mais alors déjà, là, ça s'améliore énormément. Puis je pense que naturellement, il faut que ça se fasse naturellement. On dirait des fois qu'on essaie de provoquer certaines choses. Qu'est-ce qui est... Oui, on doit s'en occuper, mais il reste que un changement de style de jeu que les gens étaient habitués dans le passé. Il faut laisser un certain temps aussi pour que tout le monde s'acclimate puis tout le monde voit le produit. Quand j'ai dit qu'il y a un renouvellement qui s'est pas fait, mais là, on est obligé de changer certaines choses parce que la relève des hommes durs qui avait créé cette ligue-là, puis que Dieu sait qu'il y en avait des bons pugilistes, hein, si on n'a pas à le cacher, puis que ces gens-là, quand même, les hommes forts ont fait en sorte que cette ligue-là a vécu avec beaucoup de sous dans certaines années. Il ne faut jamais oublier le travail de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils ont donné à cette ligue-là? Je parle, tu sais, ce qui me vient rapidement, puis je ne les connais pas tous, mais tu sais, des Joël Thériault quand même, il faut avoir énormément de respect, des Gabi Rock, tu sais, qui ont travaillé fort pour cette ligue-là, puis je te dirais, Rabi dans le temps et tout ça, PPH Charbonneau, oui, tu sais, Grenier, Martin Grenier. Écoute, la Ligue junior majeure du Québec n'en formait énormément année après année parce que la Ligue nationale en avait besoin de ce type de joueurs-là. Aujourd'hui, la Ligue nationale, tu sais, n'a moins besoin ou presque plus, Puis aujourd'hui, on voit que c'est les bons joueurs de hockey qui règlent leur compte avec d'autres bons joueurs de hockey. On ne paye plus vraiment un joueur à la Ligue nationale assis. Puis ça, à partir de la Ligue nationale, ça se reflète habituellement dans tout le reste des circuits. Alors, la Ligue de hockey junior majeur du Québec en en produisant plus comme ça. On est obligé de faire certaines modifications à cette Ligue-là. D'après ce que tu vois, Richard, depuis le début de l'année, est-ce que tu penses que tu crois que les propriétaires sont tous sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on pousse tous dans la même direction? Bien, les propriétaires, c'est parce que là, présentement, les propriétaires, il y a quand même plusieurs propriétaires qui ont été dans les débuts d'année ou d'une dizaine d'années qui sont dans cette ligue-là. Alors, le changement est quand même très difficile. T'sais, c'est comme un entraîneur qui coache d'une façon. Avant de changer sa façon, s'il y a eu du succès, ça va peut-être prendre plus de temps. Il y a une adaptation. Alors, tu sais, il y a une adaptation. Puis là, les propriétaires, présentement, bien, ils ont encore cette culture-là où ils ont fait peut-être plus de sous, puis qu'ils ont un petit peu de difficulté. Ils reviennent toujours à dire, « Ah, bien là, faudrait qu'il y en ait plus, faudrait qu'il y en ait plus. » Il n'y a aucun problème. Moi, Richard Martin, aucun problème avec ça. Trouvez-là les joueurs pour ça. Puis de l'autre côté aussi, c'est plus pareil. Avant, c'était plus accepté. Aujourd'hui, avec des commotions cérébrales, des poursuites, des actions, ça passe complètement à un autre niveau. Alors, on est rendu là aujourd'hui. Puis pas parce qu'il n'y a pas de bagarre. Puis, tu sais, je veux dire, ceux qui sont là pour lâcher les gants, ils n'ont pas eu de suspension, à part la première suspension du début d'année qui s'est faite au camp d'entraînement. Puis parce je voulais être certain que faut le message clair, allait passer. Lorsque tu es arrivé en poste, il y en a qui disaient, bon, Richard Martel ne voudra plus de bagarre. C'est pas vrai. C'est les débordements. Ce qui déborde du hockey sur la glace que tu ne veux plus? Bien, c'est les débordements, puis moi, je vais te dire pourquoi. Parce que là, à un moment donné, cette ligue-là, ça veut prendre de l'expansion. Bon, d'abord, ça prend des nouvelles formations. Comprends-tu? Ça, c'est la première chose. Qui va s'associer à la Ligue nord-américaine présentement? Parce que là, tu sais, il y a des équipes qui ont débarqué, là. Ensuite de ça, quels commanditaires voudront s'associer? Alors, bien sûr que les débordements, faut commencer à penser que là, c'est chose du passé parce qu'on ne remplira pas, je veux dire, on ne fera pas nos frais juste avec le crowd, juste avec les assistances. Alors, ça va prendre plus que ça. Avant, peut-être qu'il y avait 2 800, 3 000 dans les arénas. Alors, l'argent arrivait, puis des fois, on ne faisait pas attention à tous les commanditaires. Mmh. On réussissait à vivre avec la population. Aujourd'hui, on est obligé de penser que les commanditaires deviennent de plus en plus importants. Quand on se présente, OK, chez certains commerçants, puis qu'on vend notre ligue, parce que, puis en passant, on a réussi à avoir la fromagerie Boivin qui a accepté d'embarquer, parce qu'ils sont avec le junior majeur aussi, les Saguenayens, puis ont embarqué dans notre ligue avec ce qu'on leur a présenté, puis c'est un très bon commanditaire. Ensuite, payé. Les camions paillés, les camions de GM les plus vendus au Canada, le groupe paillé qui a ça, a rentré avec nous autres. C'est des commanditaires de réputation. Puis la ligue doit s'organiser aussi pour être plus forte. Si la Ligue veut être plus forte, il faut qu'il y ait de l'argent dans le fond de cette Ligue-là. Pas juste les équipes qui aient de l'argent, parce que la Ligue, en ayant un bon fonds de roulement aussi, permet de payer des gens compétents, puis permet aussi d'opérer peut-être des franchises à un moment donné quand ils viennent en difficulté, comme on le voit dans d'autres circuits. Alors, c'est ça qui fait la force de la Ligue. Alors, quand on va chercher des commanditaires, des gens comme ça, eux autres veulent s'associer à un produit qui est quand même respectable. Alors, bien sûr que les débordements, c'est toujours des débordements après débordements. À un moment donné, le gars, il va dire, je vais passer à autre chose, puis je vais aller à mettre ailleurs mon argent. Alors, c'est un peu tout ça. Mais je peux pas dire qu'il faut... Tu sais, il y en a qui disent l'image. Fais attention à l'image. Pas virer fou avec l'image aussi. On est des humains, puis on a droit à erreur, puis on a droit à faire des gaffes, puis c'est des fois ce qui met du piquant aussi, là. Mm-hmm. Pas parce que Richard Martel, quand même, a été un coach authentique, puis c'est pis ça, qui aimait quand ça bougeait. Alors, puis quand tu regardes les suspensions qu'on a données à le groupe et tout ça, qui ont donné en début d'année, c'est sûr que la première shot au camp d'entraînement a été extrêmement sévère. C'est un petit peu une direction. Mais à partir de là, il n'y a pas de pugilistes qui ont été suspendus à venir jusqu'à date. Là. Non, c'est vrai. Je vais ouvrir une parenthèse, parce que peut-être que tantôt, quand on va ouvrir les lignes, il sera question de bagarre ou de violence. Il y a eu un épisode à TVA, il n'y a pas tellement longtemps, où le résultat, on a parlé des commotions cérébrales aussi, puis le résultat est impressionnant, c'est que 95% des commotions cérébrales sont dues à des mises en échec, de la violence ou des coups vicieux, et 5% aux bagarres. Oui. Mm. Puis les bagarres, j'ai toujours dit que les bagarres, puis même de ça, des fois, quand tu as des joueurs qui jouent réguliers, des fois, se faire justice sur la patinoire, là, il n'y a pas grand. Je te dirais qu'il y a. C'est rare quand même dans ma carrière de hockey, parce que tu sais, je suis là depuis longtemps, puis des années où il y avait quand même plusieurs combats. C'est rare qu'un joueur est sur la touche en étant blessé à cause d'un combat. C'est surtout mis en échec. C'est surtout un gars qui sort le genou, un coup salaud. Puis là, le joueur, il est sur la liste des blessés pour plusieurs mois. C'est très, très rare pour une bagarre qui arrive, quelque chose de tragique. Je dis pas que c'est pas impossible. Là. Ça arrive, mais reste que des fois, quand deux joueurs veulent régler le cas, parce que une bagarre doit venir avec un montage d'intensité sur la patinoire, parce que ça monte en intensité, parce que les deux joueurs veulent gagner. Exactement. C'est pour ça qu'ils pètent les nerfs, ils pètent les plombs. Et on sent depuis déjà quelques semaines, là, il y en a de plus en plus dans la Ligue nord-américaine. Je reprends l'exemple du week-end passé, du côté de Thetford Mines. Il y en a eu quatre bagarres entre les Marquis et l'Assurantia. Les quatre sont arrivés dans le feu de l'action. Il s'est passé quelque chose dans le coin. Bon, il y a un qui n'a pas accepté, il garde. On lâche les gants parce que j'ai pas aimé. On a réglé le problème, puis on passe à autre chose. Oui, puis tu comprends, Dominique, tu sais, dans ces années-là où il y avait de grands pugilistes, de grands pugilistes, je les appelle comme ça, parce que c'était quand même des gens qui avaient énormément de responsabilités, les joueurs de troisième trio, les grandeurs qu'on appelait, là, ils ne pouvaient pas faire le job. Alors, ils ne pouvaient pas faire le job de donner des mises en échec, de baver ou quoi que ce soit pour faire monter l'intensité, parce qu'un pugiliste allait régler son cas. Exact. À partir de là, l'intensité de jeu baissait énormément, puis ces plombiers-là lâchaient, parce qu'ils disaient « je suis pas capable d'appliquer mon rôle dans cette ligue-là ». Alors, dans cette ligue-là, tu voyais souvent une première ligne énormément talentueuse, la deuxième, mais les trois et quatrième, c'était des joueurs qui pouvaient protéger les autres. Alors, c'est là que la qualité de hockey, je dirais pas qu'elle était affreuse, loin de là, mais était complètement différente d'aujourd'hui. La Ligue nord-américaine a besoin de bonne presse, évidemment. On veut en parler de plus en plus dans les stations radio, journaux, télévision. Est-ce que, comme commissaire Richard, tu as l'intention d'y aller d'un coup d'éclat cette année? Je veux dire, par là, arriver avec une nouvelle importante pour l'avenir, pour le futur de la Ligue, que ce soit dans l'expansion ou peu importe. Est-ce que Richard Martel se prépare un coup d'éclat pour faire parler de sa Ligue nord-américaine? Écoute, présentement, on était pour parler avec différentes ligues pour essayer des matchs d'étoiles de différents niveaux. Je ne sais pas si ça va se réaliser cette année parce que c'est extrêmement difficile. Mais tu sais, on essaye beaucoup de choses. D'abord, la web diffusion. Tu sais, faut en parler aujourd'hui, qu'on a un match à tous les vendredis qui est en direct. Là, présentement, il y a une petite question de publicité à travers ça, que des fois qui empêche le déroulement du match. Mais là, c'est pas tout à fait à point. Mais là, on a des entrevues de joueurs. Comprends-tu? Les joueurs commencent à se sentir impliqués dans une ligue. Ils font parler d'eux, les coachs parlent, disent leurs commentaires avant les matchs, disent leurs commentaires après les matchs. Là, on commence à parler de bons joueurs à travers la ligue aussi, ceux qui sont le joueur de la semaine et ainsi de suite. Puis on va les interviewer. Ça, c'est live à tous les vendredis soirs. Ce sont eux les acteurs de la ligue. Ben oui, puis à partir de là, ben les commanditaires s'affichent. Puis c'est une qualité d'image extraordinaire qui est faite avec Média en direct. Puis c'est très bien monté. Alors déjà là, on permet aux gens de voir notre produit. Parce qu'il y en a plusieurs qui écoutent la Ligue nord-américaine juste avec leurs oreilles, puis qui n'entendent parler, mais qui ne sont pas capables d'aller voir le produit. Ça, c'est gratuit à tout le monde qui veut aller voir ce qui se passe dans cette ligue-là. Parce qu'on s'est aperçu qu'avec le YouTube, là, à chaque fois qu'il y a des images de la Ligue, c'est des bagarres. Puis dans tout ça, là, en Europe, ils savent pas si c'est vraiment une Ligue à point au niveau hockey. Ils se demandent, y a-t-il des là, quand on veut jouer contre d'autres calibres, c'est pas qu'on veut jouer en Ontario, hein, mais votre Ligue, ça joue-tu un peu au hockey? Mais c'est rendu ça, ouais, là, parce que juste le YouTube, c'était des bagarres. Il n'y avait pas d'image. Malheureusement, là, quand tu regardes les joueurs de cette Ligue-là, ils proviennent de la East Coast, ils proviennent de la Ligue américaine de hockey, puis des carrières en Europe. On a toutes que des joueurs de hockey. C'est d'ailleurs ça qui a déclenché en moi que cette Ligue-là, il y a un marché au Québec. Puis il faut qu'elle demeure, parce que ces joueurs-là qui veulent revenir au Québec, on leur donne la possibilité de jouer du hockey extrêmement compétitif, de haut niveau, en s'occupant de leur milieu familial, puis en pouvant travailler. Il n'y en a pas de ligue comme ça. Alors, ça permet aux joueurs qui arrivent de l'extérieur, que des fois, s'ils ne trouvent pas un emploi en arrivant, mais ils ont le hockey qui peuvent les aider jusqu'au temps qu'ils se trouvent un emploi parce qu'ils reviennent au Québec. Alors, il n'y a pas de produit comme ça. Alors, moi, je trouve que c'est pas ça doit être beaucoup mieux véhiculé, cette ligue-là, qu'elle l'est présentement. Puis je pense qu'il faut être un petit peu patient, puis il faut laisser, comme j'ai dit, on peut forcer certaines choses, mais faut laisser les choses naturellement arriver. On va laisser la place aux fans de hockey de la Ligue nord-américaine, aux partisans des Marquis. Ce qu'on veut savoir, vous voulez quoi comme spectacle au Palais des sports de Jonquière? Aimez-vous ça? Est-ce qu'on vous montre comme hockey? C'est vrai, il y a eu un peu moins de bagarres, mais il y en a eu aussi. Je t'ai écouté décrire un combat de Bolduc samedi à la radio. Là, ça avait l'air enlevant comme ça se peut pas. Vous voulez avoir quoi comme spectacle? Aimez-vous ça, ce que vous voyez? Et même les anciens partisans, pourquoi vous avez déserté maintenant cette année? Pourquoi vous avez décidé de ne pas retourner? Quels sont les changements que vous pouvez apporter? Et si vous avez des questions, au commissaire Richard Martel, il est là à répondre vos questions. 546-2527. On va s'arrêter pour une courte pause. Au retour, Richard Martel va répondre à vos questions. Rejoindre Michel et Dominique. Composez le 546. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Michel Tifot et Dominique Bolduc recevaient mardi sur les ondes de CKJ à l'émission dans le vestiaire le commissaire de la Ligue nord-américaine, Richard Martel. Donc, on écoute le deuxième segment de l'émission où Richard Martel parle avec les auditeurs. On parle beaucoup de la Ligue nord-américaine de hockey. On ouvre nos lignes à 546-25-27. Richard Martel, le commissaire du circuit, est avec nous en studio dans le vestiaire. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y avec votre question. Oui, mon nom est Marc Lapointe, je passe ma place, Michel Dalma. Je te replace très bien. Un fidèle partisan de la Ligue nord-américaine à Jonquière. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais une question. Ben, il y a quasiment eu ma réponse tantôt, là, mais y a-t-il eu des discussions avec des hommes d'affaires de la région de Québec? Parce que je trouve que la région de Québec reste sa place dans la Ligue nord-américaine. Une grosse ville comme Québec, soit Lévis, Beauport ou l'ancienne Lorette. Y a-t-il des discussions de ce côté-là? T'es complètement dans le mille en passant. L'expansion de cette ligue-là doit absolument, absolument passer par Québec. Puis on sait que les Nordiques, de plus en plus, ou de moins en moins, s'approchent. Ouais. De plus en plus, on pense qu'ils aboutiront pas. Mais oui, il y a eu des pourparlers. Ça, je peux te le dire. Je te dirais pas avec des gens d'affaires pour tout de suite, parce qu'on est en train de regarder l'emplacement où il pourrait avoir une équipe de hockey à Québec. Et là, pour l'instant, le meilleur endroit est à l'ancienne Lorette, où l'aréna, c'est un particulier qui l'a. Mm-hmm. Ça lui appartient à lui, qui a 1200 sièges. Ensuite de ça, il y a à peu près une dizaine de loges. C'est toute beauté, c'est flambant neuf. Il y a trois glaces. Alors, c'est là que, présentement, on est là à savoir physiquement où on peut placer une équipe à Québec. À partir de là, si c'est possible, là, on va rentrer en contact peut-être avec des gens qui vont se profiler, on va en solliciter, mais il va falloir sentir aussi que les gens veulent embarquer là-dedans. Mais t'es complètement dans le mille. Je vois pas, dans cette ligue-là, OK, la lumière au bout du tunnel, si on n'est pas capable, puis là, la situation à Québec est favorable pour nous. Mm-hmm. Si on n'est pas capable, il faut absolument rentrer une équipe, une formation dans le territoire de Québec. Monsieur, tu as complètement raison, Marc. Ah, OK. J'aurais une autre question aussi. Ouais. En tout cas, si on se compare avec la Ligue hockey junior majeure du Québec, là, comme l'exemple, les Saguenayens s'impliquent beaucoup dans les communautés. Oui. Je trouve que l'exemple Marquis de Jonquière, je trouve que comparativement aux Aignan, je trouve que c'est un peu pas mal moins que les hockey juniors majeurs. Ça parle du hockey du dance. Il y a quand même une explication que moi, je peux dire. La majorité des joueurs des Marquis viennent de l'extérieur de la région. Donc, après le match, normalement, retournent chez eux. Évidemment, avoir une équipe qui est avec des joueurs implantés dans la région, c'est sûr que ça serait plus facile. Si tu le permets, Dominique, puis monsieur au téléphone, l'an dernier, Richard Martel, Bolduc, le défenseur, là, Jean-Michel Bolduc et moi, on a fait une promotion pour le hockey mineur à la baie, dans un centre commercial. Et comme le dit Dominique, monsieur, les joueurs sont à Montréal. Il y a juste 3-4 joueurs ici dans la région. C'est certain que c'est plus difficile. Hein. L'an passé, le coach est sur place. Quand c'était Claude Bouchard vient de Jonquière. Ouais. Tu sais, Jean-Michel Bolduc. L'an passé, on avait un petit peu plus de joueurs qui venaient de la région. Je parle entre autres de Christian Ouellet, qui était d'Alma, qui emmenait quand même plusieurs personnes d'Alma. Oui. Jean-Simon Allard, qui jouait régulier. Il joue encore quand même régulier cette année, Jean-Simon. Mais on avait Christopher Gay qui restait ici, Louis Tremblay. Christopher, je ne sais pas cette année sa situation dans l'équipe. Je l'ai moins vu. Il est remplaçant. Alors, c'est certain que ça dépend aussi des joueurs de la région, de ton équipe. Puis comme Michel puis Dominique a dit aussi, c'est des joueurs de l'extérieur. Donc, mais je suis obligé de te dire qu'il y a de la place à plus de promotion pour les Marquis quand même. Là. Ça excuse pas que moi, je pense qu'ils pourraient faire davantage. Par contre, dans les dernières années, vous savez quand même qu'au niveau hockey, cette équipe-là est très bien tenue avec Éric Claveau puis Marc Boivin, qui font quand même un très, très bon travail parce que l'équipe est compétitive d'année en année. Mais là, c'est du côté des commanditaires, peut-être. C'est eux autres qui sont en mesure de savoir tout ça. Merci beaucoup, monsieur. 546-25-27. Il y a des circuits de disponibles. Vous voulez parler de la Ligue nord-américaine, le commissaire de ce circuit, de cette ligue, est avec nous en studio. Et s'il y a des gens de l'extérieur de la région qui nous écoutent sur Internet également, 88-546-2527, vous nous parlez. Donc, je suis à peu près sûr là, qu'il y ait des endroits, que ce soit Saint-Georges, Tetford-Mines, Sorel, qui nous écoutent et qui ont des questions au commissaire, les lignes sont ouvertes. Je veux revenir sur la première question du monsieur, le marché de Québec, le territoire de Québec. La Ligue américaine est implantée à Laval, donc oublions la Ligue américaine à Québec. Puis la Ligue nationale, comme tu le disais, Richard, on est loin de la coupe aux lèvres du côté du centre Vidéotron. Mais une équipe à Québec, ce serait le bonheur total. C'est parce que Québec, c'est un territoire stratégique. Comprends-tu? Puis là, lorsque, tu sais, de 2 ans passés, on n'aurait pas parlé, mais c'est stratégique dans le sens que les médias sont là. Alors, c'est certain que Rivière-du-Loup, Saint-Georges-de-Beauce, Tetford-Mines, tout est autour. Ouais. Alors, à partir de là, si on pouvait placer une formation là-bas, bien, stratégiquement, ça serait très bon au niveau médiatique, parce que là, on tombe dans un gros marché, qui est Québec et Montréal, hein, c'est les deux marchés. Ouais. Mais tout le monde le sait que le marché de Montréal, là, tu sais, faut être honnête, puis vraiment, vraiment, puis le Rocket va très bien, hein, oui. Parce que ça permet une certaine couche de population, de pouvoir y aller sans payer des prix énormes. Exactement. Alors, puis ça a l'air que c'est très bien là-bas. L'amphithéâtre est très plaisante à voir. Alors, par contre, tu sais qu'à Montréal, il n'y a pas grand-chose de viable à part le Canadien de Montréal au niveau hockey. Soyons honnêtes. Alors, c'est sûr que Québec, là, de ce côté-là, c'est certain que ça ne serait pas au Colisée de Québec, parce que les Colisées de Québec, présentement, appartiennent aux Remparts. Puis de toute façon, je ne vois pas comment. Mais si on pouvait entrer à quelque part à Québec, mais l'avantage, justement, de la ville de Québec, c'est que de plus en plus de complexes d'amphithéâtres de hockey qui appartiennent à des privés, dont l'ancienne Lorette. Je pense que Simon Gagné en a un également. On achète de vieux arénas et on monte ça en complexe, 2-3 glaces. Ça appartient à des privés. Donc, je pense de ce côté-là, ça serait plus facile d'entrer en contact et d'avoir une glace et d'avoir des heures également. Oui, puis les gens qui vont peut-être participer à cette expansion-là, s'il y en a une, il faut toujours être prudent quand même, mais ils nous demandent toujours la même chose. Cette fois-ci, on veut savoir c'est qui les gars de hockey, c'est qui les propriétaires qui vont gérer ça. Alors, aujourd'hui, les gens qui veulent quelque chose, ils s'informent beaucoup plus qu'avant. Alors, ils veulent plus n'importe quoi, puis ils veulent pas quelque chose qui est à bout de souffle, puis ils veulent que des gens passionnés, puis aussi au niveau hockey, on commence dans la Ligue nord-américaine de hockey, de comprendre l'importance d'hommes de hockey. Puis c'est là qu'il faut, tu sais, dans un futur rapproché, être capable, des fois, de pouvoir choisir une qualité d'homme de hockey, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Tu sais, on a eu les Marquis de Jonquière, tu sais, cherchaient un entraîneur à un moment donné, je suis pas revenu. Puis, tu sais, ils ont pris, puis c'est parfait aussi, là, Ben Gratton, qui est un entraîneur recru. Mais il faut aller chercher, puis moi, j'étais content. Tu sais, t'as Christian Deschênes à Sorel. Il faut, je pense que ça va passer par là tantôt, d'anciens joueurs de hockey qui sont... On voit Jesse Bélanger qui est maintenant directeur absolument, qui sont quand même, qui sont compétents dans ce milieu-là, puis qui vont prendre la relève tantôt, parce que la Ligue nationale, là, ça passe tout par des anciens joueurs maintenant. C'est vrai. On a quelqu'un au téléphone, dans le vestiaire. Bonjour! Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est à monsieur. Vous. Oui, bonjour, monsieur. On parlait de la région de Québec tantôt. Moi, je regardais, là, je pense que l'aréna qui serait parfaite pour ça, là, et la ville, là, c'est la ville de Beauport. Il reste à savoir si y a des gens intéressés là-bas, parce que tu regardes la grandeur de l'aréna, le centre Marcel Bedard, c'est à peu près 2000 places. C'est une aréna où tu es très près de l'action. Donc, je ne sais pas si, Richard, vous avez regardé de ce côté-là. Beauport, on a regardé Beauport, effectivement. Beauport, l'affaire dans tout ça, c'est que ils s'en servent beaucoup pour le soccer, hein. Puis aussi, c'est la disponibilité de cette aréna-là. Par contre, si vous me parlez de Beauport, c'est pas mauvais, là. Mais vraiment, vraiment, moi, je me suis déplacé. Puis l'aréna de l'ancienne Lorette, là, c'est le top pour ça. Elle est flambant en neuf. Non, je te le dis, là. Elle est flambant en neuf. Les estrades, est-ce que c'est juste d'un côté, ben, tout le tour? Non, c'est tout le tour. C'est à moitié. Écoute, c'est. C'est presque tout le tour. Presque tout le tour. Mais c'est parce que l'avantage... C'est un peu comme à Blainville. Non, mais c'est pour l'ambiance. Pour l'ambiance. Mais l'avantage... Mais c'est neuf, hein? Puis l'avantage de ça, c'est qu'il y a des loges. Alors, aujourd'hui, tout passe par les loges. Tu veux faire une soirée, tu t'invites, exemple, les professeurs de telle école, tu t'en viens, t'as 12... Tel commerce. T'arrives avec la Banque nationale un soir, t'arrives avec la Caisse populaire, t'arrives à... C'est ça, maintenant, les loges qui sont payantes. Alors, dans cette aréna-là, ils sont installés pour ça. Alors, c'est pour ça, quand je te parle de 1200 bancs assis, c'est des bancs flambant neufs. Pis... Ouais. Alors, mais c'est les loges qui font foi de tout. Là. Oui, exactement. OK. Ici, est-ce qu'on, pour les prochains marchés, là, est-ce qu'on a regardé? Ben, je pense que oui, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, puis il y a Saint-Jérôme aussi. Là, parce que moi, je suis j'habite à Montréal, là, puis je suis ça beaucoup. Puis le marché de Saint-Jérôme, on s'en parle souvent, moi, puis mes amis, là, puis on a toujours trouvé que ça pouvait être un marché intéressant pour la Ligue. Oui, absolument. Mais tu sais, il y a des endroits où le Junior 3A est en place. Dans certaines villes, c'est assez difficile. Comme là, en Saint-Jérôme, c'est le Junior 3A qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec eux, parce que le Junior 3A prend une très grande place, hein? Je ne sais pas si c'est là, comme à Granby, c'est la même chose. Oui. Oui, un Junior 3A. Alors, cette ligue-là, quand même, quand il y a une équipe Junior 3A, souvent, ils n'ont pas de place pour la Ligue nord-américaine. Puis aussi, tu sais, nous autres, les matchs sont le vendredi et le samedi. Puis souvent aussi, il faut voir la disponibilité que l'aréna peut donner aux formations. Alors, bien sûr que Saint-Jérôme, c'est toute qu'une ville, là. Tu sais, puis l'aréna est intéressante. Tu me parles de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une ville rock'n'roll aussi, Saint-Jérôme. Ah, absolument. Puis c'est une ville... Non, mais il reste une ville... C'est une ville... je te dirais d'émotion. C'est une ville pour l'hockey. Exactement. Pour l'hockey, là. Ouais. C'est, moi, il faut regarder ça aussi parce que l'émotion aussi. Tu regardes la Jonquière, les marqués de Jonquière l'an passé, là. Puis, Saint-Georges-de-Beauce aussi. C'est des tu sais, dans la Ligue, il y a quand même de bons marchés. Mais les marqués de Jonquière, là, l'an passé, moi, j'ai été avec les Saguenayens de Chicoutimi longtemps. Je pensais jamais que les fans des marqués de Jonquière étaient aussi forts pour leur équipe que sont les Saguenayens, parce que moi, j'avais pas connu ça avant. Tu sais, il y avait le gars de Jonquière, le gars de Chicoutimi, moi, je viens de Chicoutimi. Mais les partisans à Jonquière, vous savez pas comment ils ont leur équipe à cœur. Ah, ben, il y a pas de doute que c'est le meilleur marché de la Ligue. Là. Absolument, c'est absolument. Officiel, tu regardes les foules. Absolument, mais dernière question. Ouais. Pour ce qui est des fusions, est-ce qu'on a pensé à la Ligue fédérale dans laquelle joue Cornwall, puis également... les ligues là, semi-pro en Ontario, là, je pense. Ça pourrait donner... capter l'intérêt des amateurs puis ajouter un renouveau. Oui, moi, je crois que... Puis je suis content de t'entendre parler parce que cette ligue-là aussi a besoin de renouveau. Puis le monsieur a dit, ça a besoin de quelque chose de nouveau, de neuf. Parce qu'on est sur du réchauffé. Ça, je te parlais d'un coup d'éclat tantôt. T'as raison, mais tu sais, on est sur du réchauffé quand même depuis plusieurs années. Effectivement. Alors, à un moment donné, là, on veut de la nouveauté. Puis comme tu dis, tu sais, il y a des formations qui doivent être vérifiés justement pour apporter quelque chose de nouveau. Puis il y a des villes là, quand même là, qui sont... Qui ont des choix à faire. Qui sont... Absolument. On parlait de Granby, Saint-Jean, c'est des villes qui ont des choix à faire, Saint-Jérôme. Là, absolument. Puis c'est là présentement, c'est tout un peu tous ces marchés-là qu'on regarde. Puis comme je te dis, c'est certain qu'on est à l'affût de ça. Mais là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier nos six formations aussi. Parce que si on trouve deux nouveaux marchés, puis il y a deux formations dans notre ligue qui veut changer d'adresse, bien, on reste à 6 quand même. Tu sais qu'une ligue à 6, ce qui est difficile, c'est que tu revois souvent les mêmes équipes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un minimum. C'est pour ça que tu dis que c'est un minimum. Alors, bien sûr qu'on est... Tout passe par l'expansion, hein, je vous le dis tout de suite, puis je le dis à tout le monde. Tout passe par l'expansion, puis c'est l'affaire la plus difficile à faire. Parce qu'au cours des 10 dernières années, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une nouvelle équipe qui s'est profilée là-dedans, qui a été Valleyfield, qui est devenue Laval. Mais à partir de là, savez-vous qu'est-ce qu'on a perdu dans les 10 dernières saisons? On a perdu Sainte-Marie-de-Beauce, on a perdu Saint-Hyacinthe, on a perdu Sherbrooke, parce qu'eux autres, ils ont rénové l'aréna pour la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'ils avaient gagné la dernière année. Mmh. On a perdu Pont-Rouge, on a perdu Windsor, on a perdu Cornwall, on a perdu Laval. À un moment donné, l'arrivée de Richard Martel, c'est juste que là on est un petit peu un non-retour, puis moi, je voulais m'embarquer dans l'aventure, parce que cette Ligue-là, comprends-tu? Il faut que ça arrête. Il faut arrêter l'hémorragie, puis il faut aller d'avant. Alors, c'est ça que j'essaie d'amener. Mais concernant ma question de tantôt avec la fusion avec la Ligue fédérale... Oui, excuse-moi, j'ai pas répondu. Oui, écoute-moi, on l'a vérifié. Le problème de la Ligue fédérale, là, les joueurs ne sont pas de calibre pour notre Ligue. Ça, je te le dis. On a vérifié Berlin, parce qu'on parlait de Berlin l'an passé. D'abord, c'est du côté des États-Unis, là. Alors, déjà là, passer les lignes, là, on s'aventurera pas à passer les lignes. On va s'organiser pour être dans le Québec, puis s'organiser pour être plus solide chez nous avant de commencer à penser de traverser les lignes. Puis la Ligue fédérale, on a épié les joueurs avec des grands connaisseurs des anciens scouts du pro, puis ci, puis ça. Il ne serait pas de calibre avec notre Ligue. Moi, qu'est-ce que je veux essayer de faire? Puis la Ligue de l'Ontario, présentement, il y a un ou deux joueurs par équipe qui seraient de calibre dans notre Ligue. Les gens ne savent pas comment notre calibre est rendu fort. Mmh. Moi, je te dis que si... C'est pour ça que j'essaie, par tous les moyens, d'avoir des matchs contre la East Coast. C'est-tu possible? Là, j'ai déjà parlé à la Ligue Magnus. La Ligue Magnus n'est pas chaud à ça, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils viennent chercher nos joueurs chez nous. Alors, ils ont beaucoup à perdre s'ils affrontent la Ligue nord-américaine, puis ils perdent. Une Ligue qui ne pratique pas à temps plein comme les autres. Ils ont peur de perdre la face. À un moment donné, il y a un danger. Parce que c'est sûr que nous autres, on jouerait contre ces autres circuits-là. Mais nous autres, ça nous calibrait en savoir où on est rendu dans, dans notre développement. Parce que, tu sais, des possibilités de jouer un match là-bas, un match chez nous, ça compte dans le classement, contre chaque équipe. Ouais. C'est peut-être, je sais pas, c'est envisageable. Absolument. Pour attirer l'attention des gens. Absolument. C'est une très bonne... C'est une très bonne idée que tu as, puis c'est certain que ça a été pensé, puis là, il reste qu'il faut aller de l'avant sur toutes sortes de dossiers, mais ça, c'est encore une bonne idée. Encore une bonne idée. D'un gros coup, ça, c'est sûr, parce que moi, j'ai toujours suivi ça, puis n'empêche que dans le temps, ça se battait plus. C'était l'enfer. C'est des souvenirs extraordinaires pour les partisans. Les rivalités, c'était, Laval, Sorel, Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. N'empêche que dans ce temps-là, c'était bondé. Les arénas étaient bondés, là. Il était bondé pas mal tout au Québec, hein. Tu sais, dans le junior majeur, dans ces années-là, c'était les plus gros crowds, hein. C'est pour ça que je te dis qu'avec les années... Mais là, l'affaire dans tout ça, moi, je suis allé voir des matchs depuis le début de l'année. Tu sais, je me cache... Tu sais, tout le monde le sait. J'ai vu Tedford Sorel dernièrement, là. 6 punitions d'un bord, 4 de l'autre. C'était du jeu, là. Ça frappait en avant des buts, ça bardassait. Il y a du hockey, là. Puis c'est là Il n'y a pas de doute que le hockey est meilleur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si on regarde les faits, n'empêche que dans ce temps-là, il y avait plus de rivalité. Tu sais, t'avais plus d'équipes. Deux lignes de bagarre. Ouais. Mais n'empêche que c'est dans ce temps-là que ça véhiculait le plus d'émotions pareilles. Absolument, absolument. Absolument. Monsieur, merci beaucoup. Merci. 546-25-27. 546-25-27. Il y a des circuits disponibles. J'aimerais ça amener un point. On parlait tout à l'heure de Québec, ancienne Lorette. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que, par exemple, les Remparts mettent des bâtons dans les roues de la ligne nord-américaine, question de garder le territoire? C'est impossible, non. Ils n'ont pas de droit là-dessus, ça, c'est sûr. Donc, surtout que c'est dans l'ancienne Lorette, c'est complètement différent. Donc, si un club veut s'installer à Québec, ils n'ont rien à dire. Absolument. Avant de prendre un autre appel, Richard, les Maritimes? Maritimes Expansion? Ben, c'est comme je te dis, là on est parti. C'est pour ça qu'il faut être prudent là-dedans. Hein? Parce que notre ligue, il faut qu'on soit capable de fonctionner avec nos équipes qu'on a en place. Puis c'est toujours dangereux de partir en peur avec l'expansion quand on sait les résultats qu'on a eus des dernières années. Mais c'est un dossier chaud, puis c'est un dossier qu'on n'a pas le choix, il faut passer par là. C'est pour ça que les idées, puis c'est pour ça que dans les lignes ouvertes, là, comme ce soir, il y a eu des bons commentaires de gens, puis ça donne encore plus à renforcer nos idées. C'est vraiment là qu'il faut se diriger. Puis, les, puis là, le problème, c'est que plus tu as d'équipes, plus ça crée aussi de certaines rivalités. Mmh. Puis ça crée de la diversité aussi. Et plus d'équipes, plus de nouveaux joueurs. Absolument, plus de nouveaux joueurs, plus gros, plus respectables, plus crédibles. Alors, c'est tout ça qui arrive à ça. Ça, avant de prendre l'appel, il y a des personnes qui m'en parlaient. Le fait d'avoir juste six clubs et un peu les meilleurs joueurs, étant donné que, bon, on a un peu fermé les portes, c'est seulement les joueurs qui sont nés au Québec ou qui ont joué junior majeur ou un peu de l'Ontario, un peu des Maritimes. On a moins d'ouverture. Ce serait une possibilité d'ouvrir les portes un peu plus à certains Américains, à certains joueurs de l'Ouest du Canada, des Maritimes, pour venir jouer dans ce calibre-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Ah, tel joueur a joué à quatre équipes, il connaît la majorité des joueurs, c'est sûr qu'il fera pas, il lâchera pas les gants contre lui parce que c'est un de ses chums, mais si comme ça, est-ce qu'il y aurait une possibilité de rouvrir les portes comme ça l'était un peu il y a quelques années? » Ça va être extrêmement difficile de ce côté-là parce que c'est les coûts. Ça, c'est oui. La première des choses. Ensuite de ça, ben il y a les douanes aussi du côté américain. L'Ontario, c'est une autre chose aussi, parce que souvent, c'est des joueurs qui travaillent. Alors, le joueur, il peut pas partir là, de Toronto à Montréal. Montréal, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, c'est des coûts énormes pour... Oui. Alors, mais je veux juste te dire qu'il y a un renouvellement qui se fait au niveau des joueurs. Puis on en a de nouveaux à chaque année. Il y a Mason Hour qui est à Thetford. Là. C'est tout un joueur de hockey. Qui a joué dans la Ligue nationale. Qui a joué dans la Ligue nationale aussi. Tu sais, t'arrives ici à Jonquière... Philippe Paradis. Comprends-tu? C'est un premier choix au repêchage, 27e au total. On a l'air à tout l'oublier. Il joue dans notre ligue. Il y a Chaput qui a joué dans la Ligue américaine. Il y a Kennel qui joue du gros hockey. Il y a Desmarais qui viennent d'arriver cette année. Là, je parle pour Jean-Jacques. Alors, à partir de là, là il y a quand même des gros noms qui s'ajoutent. T'sais, à Sorel, on parle de plus en plus de Jean-François Jacques. Vous pensez, Jean-François Jacques, dans la ligue, il a été pour Edmonton pendant des années. Alors, il y a quand même... un gros bassin de joueurs. Puis si je vais dans les... Tu sais, tu regardes à Saint-Georges-de-Beauce, là, Cloutier, c'est tout un joueur de hockey. Absolument. Cloutier, puis ça fait des années qu'il est là. Alors, il est toute beauté à voir aller. Il y a beaucoup de vitesse, et ainsi de suite. Je pourrais en nommer dans chaque ville. Hein. Réservez vos circuits 546-2527. Le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel, est avec nous en studio. On a encore quelqu'un au téléphone. Dans le vestiaire, bonjour. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. OK, moi, je suis partisan des Marquis depuis environ 14 ans. Ouf. Moi, j'aimais bien les Marquis parce que c'était du jeu robuste, l'intensité, puis j'aimais bien les bagarres, OK? Oui. Là, je trouve que là, les Goons, là, ils ont décidé de d'hésiter un peu les Lakers, les Hamels, puis ça, parce que moi, je trouve que... Moi, la ligne Hamels, ce que j'aimais, c'était du hockey spectacle. Oui. Là, c'est rendu du bon hockey, c'est rapide. Je suis d'accord avec vous autres. J'essaie de m'adapter, mais moi, dans ma tête à moi, je m'en vais là le vendredi soir, je prends une bière avec des amis. On va voir un bon spectacle de hockey. Puis en même temps, ben, les Goons sont là. Ils offrent un beau spectacle. Puis je trouve que au moins, ils se passent en France. Ben, on va pas chercher le meilleur joueur. Alors, tu veux... Ça, vous voudriez que ça revienne? C'est quoi que vous voulez? C'est quoi votre question? Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que laissez de temps en temps les joueurs se battre ensemble, deux, trois bagarres par game. Les j'aime ça. Oui, moi j'aimerais. Moi, avouez que le produit est plus rapide, je suis d'accord avec vous. Moi, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Laissez les bagarres ensemble. Oui, absolument, tu as raison. Mais tu sais quoi, là, un petit peu le problème que tu dis présentement? Ouais. C'est que, vu que les joueurs, les pugilistes, sont pas renouvelés, c'est souvent les mêmes gars qui se battent ensemble, puis les mêmes gars deviennent amis. Puis à un moment donné, par respect l'un vers l'autre, ils veulent plus lâcher les gants l'un contre l'autre. Étant donné... Je te dirais qu'il y a des toffes qui sont bêtes. Moi, je l'ai vécu l'an passé. Je disais, ouais, mais là lui, là, ben, ouais, mais c'est son grand chum. Ils sont devenus chums année après année. Alors, dans le passé, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le passé, on avait toujours un nouveau visage qui apparaissait. C'est ce qu'on n'a plus présentement. Tu sais, Joël Thériault s'est battu pendant des années, puis souvent, il se battait avec les mêmes. Ça fait quand tu te bats première année, l'effet de surprise, mais quand ça fait 8 fois ou 11 fois tu le rencontres, tu sais, à un moment donné, ça vient un petit peu monotone pour les gens. C'est le problème. Moi, je te dis pas que si ça se renouvelait comme dans le temps, tu sais bien qu'on parlerait pas de ce qu'on parle aujourd'hui. Puis Gabi Rock l'a même annoncé, il a pris sa retraite lui-même parce que là, année après année, ça devenait pesant. Alors, ces joueurs-là aussi qui sont pas renouvelés, ils vieillissent. À un moment donné aussi, ils ont une vie. Là. À un moment donné, ils arrivent à 40 ans, à 35 ans. Puis moi, comme je te dis, là, je ne demanderais pas mieux que ça. Puis si tu regardes les suspensions à venir jusqu'à maintenant, T'sais, la Ferrière n'a pas été suspendue. À part la première suspension du camp concours, d'entraînement, je le répète encore, le premier match au concours où la télé était là, où il y a eu des choses que ça s'est passé dans le show. À part de ça, il n'y a aucun homme fort, Bellemare, si tu en parles ainsi, qui ont été suspendus à venir jusqu'à date, puis on leur laisse la liberté de lâcher les gants. Parce que moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait toujours deux, trois gourdes par équipe. Puis je prenais c'est ça, je te dis. Mais c'est ça, je te dis. Parce qu'il y en a plus assez. Comme moi, j'aime assez. Arrivé à Sorel avec Rivière-du-Loup, que là, c'était le fun, mais je trouve que là, c'est rendu que les joueurs, ça prend plus de. Plus de mise en échec, je trouve que ça a changé ouais. pas mal. Moi, j'ai un petit peu, là, c'est pas tout à fait d'accord avec toi avec les mises en échec, moi mais c'est surtout, c'est surtout l'effet de bagarre que moi, je suis probable de dire que t'as pas raison là-dessus, mais comme je te dis, on essaie d'expliquer le plus possible les pourquoi. C'est les pas, deux, trois bagarreurs par équipe, on en a plus assez pour en mettre deux, trois par équipe. T'sais, il reste que, tu sais, Hubert Poulin est un bon bagarreur, souvent. Tu sais, je te dis pas qu'il se battra pas, mais on savait tout de suite contre Trois-Rivières qu'il se battait avec M. Laferrière. Alors, on sait tout à l'heure, puis il y a des chums aussi à travers ça. Alors, des fois, en prenant de l'âge ou année après année, ces joueurs-là, face à l'autre, ils développent des choses. Puis, tu sais, comme je te dis, ils sont pas toujours prêts à ça. Ouais, mais c'est pas normal que les gars, comme Lacroix qui se bat plus à Mel, les gens les fassent pas jouer. Dans le fond, c'est comme des attractions. S'ils acceptent de se battre entre eux autres, c'est eux autres qui. Absolument. J'ai pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Que les foules de 300-400 personnes par. C'est pas normal qu'à Trois-Rivières, il y a eu même pas 1000 personnes à la soirée à 5$. Si vous me permettez, là. Moi, je pense, corrige-moi Richard, je me trompe, je pense que le hockey de la Ligue nord-américaine est brûlé à Trois-Rivières. Écoute, là, moi, je suis pas. Il faut faire attention. Hein. Il y a plus de monde quand même que l'an passé. C'est parce que là, il y a eu des billets de saison qui sont vendus là-bas. Il reste que. Tu sais, Trois-Rivières a eu des difficultés pendant certaines années. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Ils se battent contre une autre ligue là-bas. Non, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis là, présentement, le propriétaire fait des pieds et des mains. Il travaille très fort. On va attendre un petit peu avant la fin de saison. Mais comme je vous dis, monsieur, tu sais, là, on tourne autour, mais je vous comprends. Alors. On aimerait ça ramener des bons bagarreurs, mais on n'est pas pour ramener des gars qui patinent sa bottine non plus. Est-ce que vous l'avez vu jouer? Non, on bloque pas. Il n'y a rien de bloqué, là. Non, il n'y a rien de bloqué. Moi, Mirasti, je n'ai jamais empêché qu'il joue, mais c'est parce que est-ce que vous l'avez vu jouer? La Ligue nord-américaine, la différence, c'était du jeu robuste, les gens aimaient ça. On dirait que c'est plus robuste, là. Ouais, c'est ça pas normal qu'il n'y a aucune bagarre par match, là, pendant des fins de semaine de temps. Absolument. Mais je te l'ai dit, tout à l'heure, les facteurs qui font en sorte que c'est comme ça, ça change. Ce que vous voulez, c'est des bagarres, c'est qu'on ramène des vrais bagarreurs, il n'y en a plus, il faudrait qu'on ramène des gars qui patinent sa bottine. Non, pas tant que ça. Il y a des losiers qui sont bons. Ils vont lâcher les gars à l'occasion. Il a lâché les gars en fin de semaine, deux fois même, Losier. Mais c'est plus du jeu robuste comme avant. Avant ça, ça brassait plus. Je pense que ça se fait atténuer. En tout cas, peut-être bien que c'est moi c'est qui... Votre... Non, mais c'est votre opinion, monsieur. C'est votre opinion. Hein. Moi, ça m'intéresse plus d'y aller, puis j'ai pensé à d'autres choses. Merci beaucoup, monsieur. 546-25-27. Il ne faut pas oublier qu'avec le talent que la Ligue nord-américaine a, s'il y a moins de mise en échec, justement, parce que les gars sont tellement prêts, ils savent... Le jeu est tellement rapide, ils savent qu'il va y avoir une mise en échec, ils se protègent le fait que la vitesse a augmenté aussi, à un moment donné, il y a une différence de vitesse sur la patinoire aussi. Oui. On sent les joueurs un peu plus vieux, puis avec l'arrivée quand même de certains nouveaux joueurs, on sent que la vitesse est différente d'un puis de l'autre. Puis là, les mises en échec sont peut-être... C'est dur de... Tu sais, on dit toujours, Crosby, je jouerais contre lui, il passerait pas, lui. Moi, je le frapperais. Tu sais, aller le frapper. Paul Byron, comment ça se fait qu'il réussit à vivre dans cette ligue-là? Aller frapper Paul Byron, c'est difficile. Oui. Avant, peut-être que... c'est certain que les bagarres emmenaient des échauffourées, et c'est sûr que c'était une autre dynamique qu'aujourd'hui. On n'a pas à se le cacher. Ouais. Mais on n'a pas de bagarreur pour l'instant. Il n'y a presque plus. Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Parce qu'à l'époque, on regardait dans les Marc-André Roy, à l'époque des séries Douville, ça a fait le junior. Mais les gars, avec le calibre de jeu qui est présent, on ne peut pas avoir un gars qui ne sait pas jouer au hockey. Là. Non, c'est pas ça. Dans les débuts, parce que moi, je l'ai vécu, les Condors au début, c'était pas fort comme ça. Là. Fait que même si le gars arrive, c'est moins jouer au hockey. Mais là, le gars qui ne sait pas jouer au hockey, qui arrive d'un calibre comme ça, là, on serait tué. C'est. Ben, c'est pas juste qu'il se ferait tuer. Il y a trop une grosse différence de jeu, là. Ces gars, c'est pas jouer au hockey. Il y a rien que des gars qui ce sont des professionnels. Dans le temps, il y en avait moins de pros. Dans le temps des Condors, il y avait... C'est ça, il y en a presque pas. Ouais, fait que là, le gars qui arrivait, qui savait moins patiner, ça paraissait moins. Là, le gars qui s'est presque pas joué, qui arrive dans ça, là, il suit pas à parade, là. Ça n'a pas de rapport. Il n'est pas ça... pour arriver et pogner un Thomas Bellemare ou un Christophe Lozier. Il va se faire assommer bien raide. 5-4-6-25-27, une pause commerciale. On vous revient dans quelques instants. On est en compagnie du commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel. Rejoindre Michel et Dominique. Composez le 546-25. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel est de passage sur les ondes de CKG avec Michel Tifot et également Dominique Bolduc. Et dans le dernier segment, on écoute la conclusion de l'émission. Il est 16h49. Il y a un circuit disponible, le 546-25-27. Si vous permettez, Richard et Dominique, le collègue Gilles Pellot nous a envoyé un historique de la Ligue. Et c'est important peut-être de le mentionner à nos auditeurs et à nos fans de hockey, puisque cette Ligue de hockey semi-pro est en poste en fonction depuis 22 ans. Il y a 35 villes qui ont été représentées dans ce circuit qui a commencé à 13 équipes en 96-97. Là, il y en a 6. Ça fait bizarre quand même. Il y en avait 13 au début. Il en reste 6. Seul Thetford Mines est là depuis, Pierre Nadeau nous le disait tantôt, là, depuis 96-97. 22 ans d'histoire. Sorel est dans la Ligue depuis 20 ans. Puis on sait que Sorel, ils ont été longtemps dans le junior majeur aussi. Oui. C'est une belle ville de hockey, Sorel. Saint-Jean est là depuis... a été là en 2008-2009. Saint-Georges-de-Beauce. Ils ont 20 ans d'histoire. On est arrivé en même temps que les Marquis. En même temps que les Marquis. Nous, on est partis Jonquière à un moment donné. Bon, après le Fjord en 2004-2005, on est partis pendant 3 ans, mais on est revenu par la suite. Mais comme tu m'as dit, c'est vrai, une équipe comme Saint-Georges qui est là depuis presque les tout débuts. Il y a eu des équipes à Sainte-Marie-de-Beauce, à Saint-Hyacinthe, à Sherbrooke. Tu sais, Sherbrooke, c'est une grosse ville de hockey. Là. Au marché. Trois-Rivières, Saguenay-Jonquière. Pont-Rouge, je me rappelle au tout début, là. Pont-Rouge, c'était un club. Pont-Rouge a tellement été un bon marché. Le problème avec Pont-Rouge, c'est l'aréna. C'est trop petit. Ouais. En Estrie, on a eu Windsor, on a eu. Actonville, Valleyfield. On a eu Laval longtemps. Laval est venu et reparti. Cornwall. Et Cornwall aussi a fait partie et de cette Cornwall, je trouve, c'est tellement un bel aréna là-bas. C'est dommage qu'on les ait perdus l'année passée. Bon, mais c'est des statistiques qui nous sont fournies par Gilles Pellot. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone, de personne? T'avais des questions pour Richard? Oui, on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a eu une réunion de la Ligue hier. Quels sont les points qui ont été abordés lors de cette réunion-là? Mais c'est certain qu'on a parlé... c'est des derniers événements qui est survenu dans la Ligue. Là. On a parlé, entre autres, de certaines suspensions. Mais dans tout ça, on regardait aussi qu'est-ce qui se passait vers l'expansion. On regardait au niveau santé financière de chaque formation. Alors là, à partir de là, on va vérifier plus le côté financier de chaque organisation au mois de février, si tout va bien. On va essayer de caler les équipes qui reviennent plus tôt que ça a été fait dans le passé. Se situer, parce que ça fait 2 années là, que la cédule est faite, le calendrier est fait à dernière minute. Ça aide pas non plus, parce que qui vient, qui vient pas. Alors, à partir de là, c'est pour ça que j'ai dit, on essaie de stabiliser nos 6 formations. Ensuite de ça, ben, tu sais, il faut le dire, là, on a de bons propriétaires. Présentement, là, on a des bonnes gens autour de la table. Des passionnés. Les propriétaires qui sont en place, je parle de Saint-Georges, je parle de Rivière-du-Loup, tous les 6 formations, là, on a du monde vraiment, la qualité de gens autour de la table, là, a vraiment, je te dirais, épu ce que c'était dans les années auparavant. Faut faire attention, la philosophie de ces gens-là s'est rendue à une autre étape, puis c'est des réunions vraiment enrichissantes pour tout le monde. Il y a, bon, Michel a mentionné des villes, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, des équipes où, bon, ça a peut-être mal terminé. Est-ce qu'il y a une blacklist? Une liste noire des villes où on dit, ben on retournera jamais là. C'est certain qu'il y a des marchés qui ont été échaudés. Hein? C'est là qu'après ça, quand tu veux repartir quelque chose là-bas. Pour ça que je te dis que pour plusieurs, c'est une ligue que plusieurs gens voudraient que ce soit comme avant. Mm. Puis pour le nouveau monde qui hésite encore à mettre les pieds à nos matchs, ils veulent autre chose. Puis quand on discute avec les villes, on a discuté déjà, puis Saint-Jean ne veulent plus revoir le hockey qu'ils ont eu dans les années quand ils l'ont eu. L'année comprends-tu? Des l'année, ouais. Ils veulent plus ça à Saint-Jean. Ils ont dit, on va peut-être regarder ça. Mais là, il va falloir que vous nous assuriez que ça, qu'il va y avoir du hockey décent. Il y a une ouverture, mais là, il y a alors, juste le bout alors, du pied qui est dans le port. Alors, c'est pour ça que je te dis présentement. Puis moi, ce que j'ai aimé, il y en a un auditeur qui a parlé naturellement. Il y a des fois qu'il ne faut pas forcer les choses. Mmh. Moi, je pense que l'important, c'est qu'on a une bonne qualité de hockey. Il y a des pour, il y a des contre présentement. Les spectateurs, comme je te dis, ben là, on veut des plus gros crowds. On l'a dit tantôt, c'est pourquoi. Ben oui, il y en a une partie aussi, c'est pour des bagarres. Alors, puis il y a un renouvellement de clientèle qui doit se faire. Alors, mais naturellement, à force de l'entendre dire, à un moment donné, il y a des gens qui vont mettre le pied dans le Palais des Sports. L'an passé, puis dans les deux autres arénas, l'an passé, dans le Palais des Sports, dans les playoffs, il y en a. Des gens que je connais qui n'avaient pas mis les pieds là depuis les années des Condors. Puis ils me le disaient moi-même. Ils ont dit, aïe, aïe. C'est certain que là, c'est de savoir s'ils vont demeurer comme partisans fidèles ou... Mais vous savez que ça se promène aussi. Il y a le junior majeur aussi de l'autre côté. Puis à partir de là, dans toutes les villes, ils commencent à avoir pas mal du hockey autour de tout le monde. Alors, quand je t'ai dit tantôt l'enveloppe là, budgétaire pour les activités, pour le loisir, je pense qu'il est plus étudié que dans le temps. Mm. En terminant, il y a été question beaucoup d'expansion des gens qui nous ont téléphoné, de nos auditeurs. Quels sont les critères? Grosseur de ville, grosseur d'amphithéâtre, sérieux des propriétaires. Quels sont les critères pour demander une franchise? Qu'est-ce que vous allez regarder au départ? Mais moi, écoute, d'abord, premièrement, là, on n'est pas placé, là. Pour demander un paquet d'affaires. Hein? J'espère que tout le monde le sait. Oui, mais ça prend quand même un amphithéâtre qui est au moins 12-15 ans. Oui, mais 1200, ça dépend. Gars, je t'ai dit, on a scruté quelques amphithéâtres. Il y en a présentement des amphithéâtres qui peuvent les accueillir. Mmh. Tu regardes à Granby, c'est un très bel aréna. Tu regardes Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y a aucun problème. Oui. C'est Québec qui demandait une problématique. C'est pas le Colisée, c'est où? Il y a un monsieur qui a dit que c'est Beauport. Il y en a un qui a dit que c'est le pavillon de la jeunesse. Pavillon de la jeunesse, tu peux pas. Non. Tu sais, Lévis, l'autre côté, tu peux pas encore. Il y a trop d'hockey mineur présentement à cette place-là. Puis là, on arrive avec l'aréna de l'ancienne Lorette. Je pense qu'il y a des amphithéâtres. Là. Saint-Jérôme, c'est potable. Ça dépend toujours que. Moi, je te dis qu'à 1000 personnes par match, 900, t'es capable de vivre. C'est là que tu peux avoir une concession de hockey qui est viable. On n'a pas à se le cacher que pour faire de l'argent, c'est-tu une rentable dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Soyons honnêtes. Les coûts d'opération, c'est épouvantable. C'est des comprends-tu? Millions. Puis là, à 1200 personnes dans les astrales, tu sais que c'est des déficits à chaque année. Il n'y a pas grande équipe où c'est rentable. T'sais, puis ça, être méchant, tout le monde sait ça, mais il y a la valeur de la franchise. Quelqu'un qui veut une franchise hockey présentement au Québec, tu peux-tu avoir une équipe de Ligue nationale? Non. Tu peux-tu avoir une équipe de Ligue américaine? Non. C'est dans la Ligue nord-américaine que tu peux avoir une franchise. S'il y a un monsieur qui dit, moi, j'aimerais ça être propriétaire d'un club de hockey, à quelle place qu'il peut puiser, à quelle place qu'il peut avoir une équipe de hockey? C'est dans la Ligue nord-américaine qu'il peut dire, moi, j'ai mon club de hockey. À part ça, c'est où? Impossible. Et une franchise ne coûte pas des centaines de milliers absolument, de dollars. Absolument, c'est abordable. C'est abordable. Puis bien administré, il y a de l'argent à faire. Ouais. Tu sais, il y a un petit peu d'argent. Puis pour t'amuser, sans perdre des montants de 200-300 000, tu peux le faire. Mais là, c'est là qu'on a besoin d'hommes de hockey plus solides pour ne pas commencer à donner des salaires n'importe comment, n'importe où, n'importe si, puis avoir peur de ne pas avoir de monde. Pour... C'est là que le côté d'hommes de hockey doit se renforcer dans cette ligue-là. Puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas de bons, mais il faut en avoir plus qu'on puisse avoir le choix, ce qu'on n'a pas présentement. Il y a eu un texte qui est sorti il y a quelques semaines à peine, recruteur en chef des Marquis, Lucien Paquette, qui mentionnait l'avenir du hockey et des bagarres, tout ça. Et lui, il a apporté le point d'une centrale de recrutement pour la Ligue nord-américaine. C'est un très bon point. T'sais, encore une fois, tantôt, quand j'ai dit la Ligue, il faut qu'elle commence à avoir un fonds de roulement. c'est les gens compétents. Là, à un moment donné, tu ne peux pas avoir de bénévolat dans des gens compétents. Il faut que tu payes. Là. Ouais. Puis j'ai rien contre les gens bénévoles, mais quand tu es capable de l'avoir, là, on est chanceux à date. On a eu des commanditaires. Puis comme je te dis, il faut faire attention à nos commanditaires. Puis on est très, très content de la réponse qu'on a eue cette année. Donc, là, on peut rajouter des gens puis donner certaines sommes d'argent. Ouais. Mais tu sais, quand tu me dis, là, une centrale... Ça demande énormément de travail. Oui. Puis ça, ça aiderait énormément les équipes. Parce que le gars s'organiserait pour savoir si le joueur se présente ou il ne se présente pas. Ça éviterait un paquet de problèmes. Ça serait un repêchage universel quand même, mais il y aurait une liste. Alors, ça permettrait aux équipes de vérifier, d'évaluer, mais ça donnerait une base à tout le monde. Alors, ça, c'est sûr que. Tu sais, on va y penser dans le futur, mais comme je te dis, cette ligue-là, il faut s'organiser pour qu'elle soit viable pendant plusieurs années. Richard Martel, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer en studio. Longue vie à la Ligue nord-américaine, au circuit Richard Martel. Ce soir, il y a du hockey au Centre Georges Vézina. Oui. Dominique, c'est un match à reprendre. Habituellement, les matchs à reprendre, c'est au baseball. Non, c'est à cause de la pluie. Oui, là, ou les tempêtes. Des fois, dans la Ligue nord-américaine, il y a des tempêtes en là, hiver. Il y avait mais... une panne d'électricité. Oui, une fuite d'eau également. On avait annulé dès le matin. Fin septembre. On avait annulé dès le matin le match pour éviter aux Drakkars de se présenter à Chicoutimi. Ce soir, ils vont être ici avec le couteau dans les dents parce qu'ils n'ont mangé toute une vendredi. J'étais allé au Centre Vézina et les Saguenayens ont joué un match sans bavure. Alors ce soir, le Drakkars est en ville. À la télévision, pour ceux qui s'intéressent, le Canadien, oh boy, contre les Blues de Saint-Louis. Très bon test. Bon test pour Carey Price et toute la famille à Claude Julien. On termine l'émission avec une pensée de sport. Si tu penses que tu peux gagner, alors tu peux y arriver.